إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter avec un hadith qu'a rapporté l'imam Muslim, que cite Abu Huraira radiallahu anhu, où il parle d'une personne de Bani Israël, de l'époque des enfants d'Israël, qui s'appelait Jurayj. Jurayj, c'était un homme pieux qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala dans une tour, comme un monastère. Un jour, alors qu'il était en prière, sa mère est venue le visiter. Et un des rapporteurs du hadith, qui s'appelle Humay, il a dit que Abu Rafi', il lui a dit que Abu Huraira, radiallahu anhu, lui a montré comment le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait pour imiter la mère de Jurayj. Il a mis sa main comme ça au-dessus de ses sourcils, sur son front, et il a regardé en l'air. C'est-à-dire que la mère de Jurayj, elle était en bas de la tour, elle a mis ses mains comme quand une personne, elle veut protéger sa vue du soleil, et elle a regardé en l'air. Elle a dit « Jurayj, Jurayj ». Elle a appelé son fils. Quand elle l'a appelé, il s'est avéré que Jurayj, il était en salat, il était en prière. Alors, il était en prière, il s'est dit « Qu'est-ce que je fais? Je réponds à ma mère ou je continue ma prière ?» Il a réfléchi, puis il a dit « Bon, je continue ma salat ». Sa mère est repartie. Elle est revenue un autre jour pour le visiter. Elle l'a appelé « Jurayj, Jurayj ». Elle l'a trouvé encore en salat. C'était un dévot. C'est quelqu'un qui s'était isolé pour adorer Allah Ta'ala. Donc, il était souvent en salat. Et Jurayj était en salat. Il a dit « Ya Allah, ma mère ou la salat ?»« Ma mère ou la salat ?» Il a dit « La salat ». Il est resté dans la salat. Sa mère, elle s'est fâchée. Elle a fait dua contre lui. Elle a dit « Allahumma, fala tumithu hatta turihi al-mumisat. » Ya Allah, ne le fais pas mourir jusqu'à ce qu'il voit les femmes dévergondées. Après cela, les gens du village qui étaient proches de l'endroit où était Jurayj, des Bani Israël, ils discutaient entre eux de Jurayj et de son adoration. Regardez ce Jurayj, il est tout seul dans sa tour, il adore Allah nuit et jour, c'est un ascète, ils étaient jaloux de lui. Alors ils ont dit, on va lui faire un piège. On va choisir la plus belle femme qu'on connaît et on va lui envoyer. On va le tenter. Alors ils ont choisi une femme, une jolie femme, mais une femme dévergondée, pour aller voir Jurayj et s'adonner avec lui à la fornication, nasallahu alayhi wa sallam. Elle est venue, elle est entrée, elle l'a trouvée en prière. Il ne s'est même pas tourné vers elle. Il a fait comme si elle n'existait même pas. Elle a tout essayé, impossible de le détourner. Quand elle a vu que c'était impossible de le détourner, elle a dit, ils m'ont envoyé pour une mission, ils m'ont payé, il faut que je trouve une solution. Alors elle est sortie, elle a trouvé un berger avec qui elle a fait la perversité et elle est tombée enceinte. Une fois tombée enceinte, elle a dit, je suis enceinte de Jurayj, je suis enceinte de Jurayj. Voilà que tous les gens de la ville et du village, ils se sont tous regroupés pour aller punir Jurayj. Ils sont arrivés, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté, ils ont détruit sa tour. Et ils l'ont accusé à tort d'être un fornicateur. Puis, Jurayj, il a demandé qu'on amène cette femme-là avec l'enfant. Il a dit, amenez-la-moi. Elle est venue avec l'enfant. Quand elle est venue avec l'enfant, il a souri, il a passé sa main sur la tête de l'enfant, il lui a dit, oh petit, c'était un nouveau-né, hein. Il ne parlait pas. Il lui a dit, qui est ton père? Il a dit, mon père, c'est le berger. Mon père, c'est le berger. Alors, ils ont tous su qu'elle a menti et qu'ils avaient accusé à tort Jurayj. Ils s'en sont voulus, bien qu'ils étaient jaloux. Et eux aussi, ils étaient dans la manigance, en vérité. Mais ils s'en sont voulus. Alors, ils lui ont proposé de reconstruire sa tour en or et en argent. Jurayj a refusé. Il leur a demandé de la reconstruire comme elle était en terre, mais bien haute. Donc, ce hadith, il est rapporté d'après Abu Huraira. Il est recueilli par l'imam Muslim dans son recueil de hadith authentique. On va s'arrêter avec ce hadith pour en tirer plusieurs leçons et plusieurs règles que l'on peut tirer de ce hadith. Premièrement, quand la personne est en prière, s'il ne fait pas une prière obligatoire, il fait une prière surérogatoire, et que sa mère ou son père ont besoin de lui à l'instant, et qu'ils insistent, surtout comme là, elle est venue le visiter de loin, alors il doit devancer de répondre à sa mère plutôt que de terminer sa salat. Par contre, une prière obligatoire, non, il ne peut pas en sortir. Il sera obligé de la terminer. Il évite de la rallonger pour pouvoir répondre à sa mère. Il la fait normalement et il répond à sa demande. Sinon, si c'est une prière surérogatoire, s'il peut la finir rapidement et répondre à sa mère, il la termine rapidement et il répond à sa mère. Sinon, il coupe sa salat surérogatoire pour répondre à sa mère. Car l'obéissance aux parents, c'est wajib, c'est une obligation. Alors que compléter une prière surérogatoire qu'on a commencée, c'est préférable et recommandé. Bien qu'il n'est pas acceptable ou c'est détestable de la couper sans raison valable. Non. Deuxième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est l'importance de la bonté et de l'obéissance aux parents, surtout à la mère. Une personne est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander, ô messager d'Allah, qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie? À lui de répondre, ta mère. Il lui a dit, puis qui? Il a dit, ta mère. Il a dit, puis qui? Il a dit, ta mère. Il a dit, puis qui? Il a dit, ton père. Donc il a considéré sallallahu alayhi wa sallam que la mère a trois fois plus le droit à ta compagnie que ton père. Et c'est la personne qui a le plus le droit à ta compagnie. Ça, c'est juste la compagnie. On ne va pas parler du devoir d'être à leur service, de leur obéir quand ils nous donnent des ordres, de ne jamais leur faire du mal, même pas avec une parole ou un geste. Allah Ta'ala nous a même interdit de leur dire « ouf ». « Fala taqul lahuma ouf ». Il n'y a pas plus bas que « ouf ». Il y a un mot plus bas que « ouf ». Donc ça montre l'importance des parents, l'obéissance des parents et la bonté envers les parents, surtout envers la mère. De même que l'on voit dans ce hadith que l'invocation, la dua d'un parent pour son enfant ou la dua d'un parent contre son enfant est exaucée. Bien sûr, s'il n'est pas injuste. S'il est opprimeur, son enfant est pieux. Par exemple, il y a des parents, ils sont égarés. Son enfant est pieux. Il dit, je fais dua contre toi parce que tu es pieux. Cette dua, elle se retourne contre lui, miskin. Il a fait dua contre lui-même. Mais même si cet enfant est pieux et il n'obéit pas à ses parents dans une chose licite, alors même sa piété, elle ne lui servira à rien. Regardez comme l'histoire de Jurayj, qui était une personne qui s'était libérée et qui s'était dédié à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une tour. Donc il faut faire attention quand on est parent aux invocations. Malheureusement, beaucoup de parents, sous la colère, invoquent contre leurs enfants, les maudissent, leur souhaitent le mal. Faut faire attention car il se peut qu'une de ces invocations elle soit acceptée et qu'après on soit la cause du malheur de l'un de ses enfants. Au lieu de faire dua contre lui, fais dua pour lui. Même s'il t'a fait du mal, même s'il n'a pas été correct, fais dua pour lui. Qu'Allah le guide, qu'Allah le corrige, qu'Allah en fasse un enfant pieux, qu'Allah l'éloigne du mal. Pourquoi tu fais dua contre lui? Dans ce hadith, on voit aussi la force de la foi de Jurayj, rahimahullah. qu'il ne s'est même pas tourné, il n'a même pas regardé, ni même donné d'importance à cette femme-là. Et on en tire une règle qui est une règle essentielle dans notre religion, saddu al-dhara'i'. Saddu al-dhara'i'. Obstruer les chemins qui mènent au haram. L'islam est venu interdire plusieurs actes, paroles, situations. Il les a rendues interdites elles-mêmes, car elles mènent vers l'interdit. Elles mènent vers ce qui est encore plus grave, et vers l'interdit, et vers la perversité et l'égarement. Donc une personne, elle ne va pas se mettre dans un milieu perverse et dit « je vais éprouver ma foi, voir est-ce que je tiens ». Il ne va pas aller se mettre dans une situation dans le haram où il est confronté au haram et va dire « je vais voir si je tiens bien ». Si sa foi elle était solide, il n'irait même pas dans cet endroit-là. Il n'essaierait même pas de se mettre en danger. Et il y a une différence et une plus grande récompense entre la personne qui ne pense même pas à faire le haram, qui ne se tourne même pas vers le haram, qui s'éloigne de toutes les causes et les moyens qui mènent au haram, plutôt qu'à la personne qui ne fait pas attention, qui ne prend pas les précautions pour se préserver du haram, et au dernier moment, il a quand même réussi à se retenir. Mais il avait envie. Il avait envie. Mais au dernier moment, cette crainte qu'il a d'Allah Ta'ala, elle l'a aidé à ne pas tomber dans le haram. Le premier a une plus grande récompense. Et il a une foi plus solide. Et il suit un chemin qui est beaucoup plus sûr et le chemin qu'Allah Ta'ala nous a tracé. Donc l'islam est venu interdire des choses qui mènent à des choses plus graves. Combien, par exemple, d'interactions commerciales elles sont interdites? Parce que cela mène à quoi? Cela mène à la haine envers les musulmans, et à la division, et à la rupture, à rompre les liens de fraternité. Que ce soit la tromperie, que ce soit l'usure, que ce soit de vendre quelque chose dont les caractéristiques sont ignorées, ou mal connues, ou mal décrites, ou avec un défaut. Tout ça pourquoi? Parce que cela mène à quoi? Ce type de vente, il mène à quoi? Il mène à la division, à la dispute, à la haine contre les musulmans. De même, l'islam a réglementé les relations entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Pour fermer toutes les portes qui mènent à la fornication. Donc il a interdit la mixité, il a interdit qu'un homme et une femme, ils aient des contacts physiques, sauf par nécessité, un médecin, je ne sais quoi, on ne parle pas des cas exceptionnels. Il a interdit qu'on ait même une discussion inutile avec une femme si c'est pas pour un besoin. La femme, elle va faire ses courses, elle demande combien c'est tel prix, elle paye. Mais des discussions, on s'étale, ou elle rigole, lui il rigole, non. Ça mène, ça ouvre la porte à ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Déjà dans les cœurs, il se passe des choses impures. Donc on voit que beaucoup de règles en islam, elles donnent une grande importance à fermer tous les chemins, tous les moyens qui mènent au haram. Donc toi et moi, serviteurs d'Allah, quand on sait qu'un certain endroit ou une certaine personne, elle peut être la cause de nous mener vers un mal, qu'est-ce qu'on fait? On s'en éloigne, tout simplement. Quand tu sais que quand tu passes dans certains endroits ou tu vas dans certains endroits, tu es tenté de laisser ton regard traîner partout, tu n'y vas pas. Sauf si tu as besoin d'y aller, dans ce cas-là, tu baisses le regard. Non. Dans ce hadith, on confirme une croyance parmi les croyances des gens de la sunna, c'est que les bien-aimés d'Allah, il est possible qu'Allah leur donne des karamates, des miracles. Allah Ta'ala donne des miracles aux prophètes pour prouver la véracité de leur message. Et il donne des miracles à certains de ses bien-aimés qui ne sont pas des prophètes, quand il veut, comme il veut, dans la situation dans laquelle il veut, pour le raffermir, ou l'aider, ou le sortir d'une situation affligeante. Mais ce n'est pas un pouvoir que cette personne possède. C'est-à-dire, quand il veut, cette chose, elle apparaît. Non, lui-même, il ne sait pas. C'est-à-dire, comme la Juraïj, rahimahullah, il a placé sa confiance en Allah. Il s'est retrouvé dans une situation, il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour le blanchir. Il n'y avait personne pour témoigner pour lui. Il n'y avait qu'Allah qui pouvait le sauver. Donc il s'en est remis à Allah. Il a placé sa confiance en Allah et il a fait cette chose-là. Il n'était pas sûr que cet enfant, il va parler. Il a eu confiance en Allah. Il s'est dit, Allah Ta'ala, il va me sortir de cette situation. Et Allah Ta'ala, effectivement, lam yukhayyib dhannahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, comme il est venu dans le hadith al-Qudsi, je suis avec mon serviteur comme il pense que je suis avec lui. Qu'il pense donc du bien de moi, ou qu'il ait une bonne opinion de moi. Donc les serviteurs d'Allah pieux, ils ont toujours une bonne opinion d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et ils placent leur confiance en Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et ils savent que même dans les situations les plus compliquées, les plus improbables, les plus difficiles, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas laisser quelqu'un de sincère, de pieux, être perdant. Même si il peut passer par des périodes d'épreuve, de difficultés. Lui, on l'a tapé, on l'a insulté, on l'a traité de fornicateur, on a cassé sa tour. Mais à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Yusuf alayhi salatu wassalam, un prophète parmi les prophètes d'Allah, la jalousie de ses frères, elle l'a mené où? Puis il s'est retrouvé dans la maison de l'Aziz, et la manigance de la femme de l'Aziz et des femmes, des autres femmes de la ville, qui lui ont dit, si tu ne réponds pas à ce à quoi on t'appelle, on va t'emprisonner. On a voulu l'accuser de la fornication avec la femme de son maître qui l'a accueilli. Et il a été mis en prison avec les criminels. Mais il n'a jamais perdu confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala l'a sorti de cette prison et l'a élevé. Il l'a honoré. Il l'a blanchi. C'est Allah ta'ala qui s'est chargé de prouver son innocence. Comme ça, le croyant pieux qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a confiance en la miséricorde d'Allah, même s'il est pécheur, même s'il est fauteur, parce que personne n'est parfait. Mais il sait qu'il n'a pas fait cette chose dont on l'accuse. Il n'a pas fait cette chose dont on l'accuse. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va le blanchir. Bien sûr, c'est légiféré, c'est mashrou' de défendre son honneur. Yusuf alayhi salam, quand l'homme de la famille de la femme il est rentré, quand elle a dit il a voulu abuser de moi, ne s'est pas tu. Il a essayé de défendre son honneur. Il a dit c'est elle qui a voulu abuser de moi. Donc ça ne veut pas dire par là que le musulman il ne défend pas son honneur. Si on l'accuse, il se défend. Et il donne les preuves de son innocence. Mais si après cela, malgré cela, on l'accuse à tort, qu'il place sa confiance en Allah. Et qu'il sache qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui va se charger de laver son honneur. Comme là, dans l'histoire de Juraïj, rahimahullah, Allah ta'ala, en parlant des prophètes et des messagers, alayhim salatu wassalam, il a dit dans le Coran al-Karim, حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. Jusqu'à ce que quand les messagers sont touchés par un peu de désespoir et qu'ils ont vu que leur peuple les a traités de mensonges, voilà que notre aide leur est venue. Donc l'aide d'Allah, elle ne vient pas tout de suite. Il y a une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, ils sont passés par des difficultés. Le prophète, alayhim salatu wassalam, ils l'ont châtié, ils l'ont traité de menteur, ils ont tout fait. D'ailleurs, quand ils n'ont pas pu démentir son message, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de s'en prendre à sa personne. Comme tous les prophètes, alayhim salatu wassalam. Comme ils ont dit à certains prophètes, tu veux nous présider, tu veux t'enorgueillir sur nous, tu veux être meilleur que nous. Donc ça c'est le chemin, les gens du faux, ceux qui ont combattu les prophètes et ceux qui combattent les gens de la sunna, quand ils n'arrivent pas à combattre les arguments avec lesquels ils sont venus, ils s'en prennent à leur personne. Et quand ils n'arrivent pas à s'en prendre à leur personne, c'est-à-dire à parler des choses personnelles, ils s'en prennent à leurs intentions. Ils s'en prennent à leurs intentions. Oui, mais son intention, c'est de vous diriger. Oui, mais son intention, c'est l'argent. Oui, mais son intention, c'est qu'il aime le pouvoir. Oui, mais. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'arguments, on s'en prend à ce qu'il y a dans les poitrines. Ce qu'Allah Ta'ala seul connaît. Voilà, il dit, sunnatullah, ma a'da ir-rusul. Les ennemis des prophètes, ils utilisaient déjà cette manigance. Et Allah nous en a parlé dans le Coran al-Karim. Dans cette histoire, on voit aussi qu'il faut vérifier les informations des fussaq. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Il faut vérifier ces informations. Et vérifier de qui vient l'information. Un musulman, il n'a pas le droit d'accepter une information quelconque de quiconque. L'information, on la prend de personnes de confiance, thiqat, udul, propre, dont leur loyauté a été prouvée, digne de confiance. Mais n'importe quel majhoul, n'importe quel inconnu, il vient t'amener une information, tu l'avales, ou bien parce que tu as trouvé une information sur internet, tu l'avales, Allah Ta'ala t'a interdit cela. N'importe quelle information. Et subhanallah, cette règle-là, elle est essentielle à cette époque, les frères. C'est une époque où l'information, elle circule plus vite que l'éclair. Une chose qui se passe en Orient, elle est connue à la seconde en Occident, avant même que la personne qui l'a vécue, elle rentre chez elle, pour le dire à sa famille. Avant qu'il rentre chez lui, pour le dire à sa famille, les gens à l'Occident, ils savent déjà ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Donc nous, alhamdulillah, on a une religion qui est venue réglementer notre vie. Et parmi les choses qu'elle a réglementées, c'est le domaine des informations. De qui on prend nos informations? Comment on reconnaît une personne dont l'information est acceptable? Et une fois que l'information nous est venue et qu'on est sûr qu'elle est juste, quoi faire de cette information? Comment agir avec? L'islam aussi nous a enseigné ça. Que ce n'est pas toute vérité, même si c'est une vérité, ce n'est pas toute vérité qui se dit. Qui peut me donner une preuve claire parmi les grands péchés pour prouver que ce n'est pas toute vérité qui se dit? Qui? Donnez-moi un péché, donnez-moi le nom de ce grand péché. C'est quoi? La médisance. C'est quoi la médisance? La médisance, c'est dire sur ton frère une chose qui lui déplairait d'entendre. Que ce soit dans son caractère, dans ses informations, dans sa personne, dans ses actes, dans ses enfants, dans ses biens, dans sa femme, dans quoi que ce soit. Même si cette chose est vraie. Si c'est vrai, c'est de la médisance. Si c'est faux, c'est de la calomnie. C'est un péché encore plus grand. Mais déjà la médisance, c'est un grand péché. Et la médisance, ce n'est pas mentir sur ton frère. C'est dénoncer des choses vraies en son absence. Donc cela prouve que ce n'est pas toute information, même si elle est vraie, qui est permise d'être divulguée. Rien que ce péché-là nous montre cette règle-là. Il y a encore beaucoup d'autres versets et hadiths qui prouvent cela. Donc vérifiez ces informations, vérifiez l'informateur, vérifiez la véracité des informations, et une fois que tout ça c'est fait, vérifiez qu'est-ce que l'islam nous demande de faire avec cette information. Maintenant que cette information elle est chez moi, Allah Ta'ala il m'a demandé de faire quoi avec cette information? Est-ce que toute information elle est à divulguer? Autre chose. Il y a une différence entre une information qui te vient et entre la personne qui est un abbash, un creuseur de tombes, qui va, qui creuse et qui cherche. Yatatabba awratil muslimin. Il cherche et il creuse jusqu'à chercher les défauts. Allahu Akbar. Alors que s'il voit le défaut normalement sans le chercher, il ne lui est pas permis de le divulguer sauf s'il y a un intérêt religieux. C'est des cas exceptionnel. Mais sinon, il lui est interdit de le divulguer. Alors, qu'allons-nous dire de celui que cette information ne lui est pas parvenue directement? Il a creusé lui pour la chercher, sans intérêt religieux. Il n'y a pas un intérêt derrière cela. C'est pas il fait une enquête parce qu'il va marier sa fille à cet homme-là, par exemple. C'est pas il fait une enquête parce que cet homme-là, c'est un prédicateur ou un enseignant, il veut savoir est-ce qu'on peut lui faire confiance, par exemple. Non. C'est qu'il peut lui faire confiance, mais il lui cherche quand même des défauts. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il lui ferait pas confiance, donc il faut qu'il trouve quelque chose qui appuie sa mauvaise opinion. Non. On voit aussi dans cette histoire que quand deux bonnes actions se contredisent, il faut savoir devancer la plus importante des deux. Quand c'est une obligation et un acte surrogatoire, c'est simple. Mais quand c'est entre deux obligations, c'est là que cela demande du fiqh, de la connaissance religieuse. Donc c'est pour cela que l'on voit qu'il est nécessaire d'apprendre la religion, pour savoir quels actes sont prioritaires par rapport à d'autres. Et il y a des exemples dans la sunna. Par exemple, quelqu'un qui a faim, on lui a posé la nourriture toute chaude, et il y a l'iqama de la prière de l'Isha. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il mange. Si quelqu'un ne connaît pas ce hadith, pour lui c'est impossible, il va se dire c'est pas possible, la salat elle passe avant la nourriture, n'est-ce pas? Mais en fait il comprend mal, là ça veut pas dire que la nourriture elle passe avant la salat. Là c'est pour préserver ta salat que tu manges avant. Car si tu ne manges pas avant, qu'est-ce que tu vas faire dans salat? Tu vas t'imaginer tous les détails de la nourriture et tu ne seras pas concentré. Qu'est-ce que c'est l'objectif de la salat? Wa aqimis salat al-dhikri. Allah Ta'ala il a dit à Moussa alayhi salat wa salam, accomplis la salat pour mon rappel, pour m'évoquer. Donc évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, être concentré dans la salat, l'humilité, c'est un objectif de la salat. Tous les piliers, les obligations, ils ont été établis pour cela, pour l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc par exemple, l'exemple du repas et de la prière de l'Isha, il y a beaucoup d'autres exemples comme ceci dans la charia. Non. On voit dans ce hadith qu'il peut être permis, dans certaines situations, de s'isoler pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Bien que cette histoire elle est arrivée avant la charia de l'islam. Mais la charia des gens avant nous, c'est une charia pour nous tant qu'elle ne contredit pas la charia de l'islam. S'il n'y a pas quelque chose dans l'islam qui vient abroger cela, ou qui vient le contredire, ou au contraire, parfois on a même des textes qui viennent les appuyer, alors on considère aussi que c'est une charia pour nous. C'est une loi aussi qui est valable pour nous. Donc par exemple, s'isoler pour adorer Allah, quel est le mieux pour le musulman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente sur leurs méfaits est meilleur auprès d'Allah que le croyant qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas sur leurs méfaits. Sans aucun doute, alhamdulillah, l'islam il a encouragé de se mélanger aux gens, de patienter sur leurs méfaits, de conseiller le bien, de déconseiller le blâmable, de vivre en société. Mais dans certains cas, dans les époques de fitna, de tentation, où certaines personnes qui sont faibles, qui ont du mal à vivre au milieu des gens et à patienter sur leur mal, ça peut être une cause de les faire dévier. Donc dans certains cas, cette personne peut favoriser l'isolement par rapport au fait de se mélanger aux gens. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendra une époque où le meilleur bien qu'un musulman possède est un troupeau de moutons qu'il fait paître sur les cimes des montagnes et il fuit avec sa religion, pour protéger sa religion. Donc dans certaines périodes de fitna, de tentations, quand les tentations sont énormes, donc parfois la solitude est meilleure. Comme aussi quand c'est une période de fitna ou bien une guerre entre musulmans, des guerres civiles où les musulmans s'entretuent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de rester chez soi et de tenir sa langue et de pleurer sur ses péchés. Non. Quand les musulmans n'ont plus un dirigeant et qu'il y a la fitna entre eux, alors il a dit reste chez toi, tiens ta langue et pleure sur tes péchés. Parmi les règles que l'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il peut arriver qu'en pleine salat, tu es à réfléchir à une situation. Par exemple, comme là pour Jureyj, il est en pleine salat et sa mère elle l'appelle. Et en pleine salat, il est en train de réfléchir, fiqhiyan, qu'est-ce que je dois faire? Donc il fait un effort de déduction religieuse et il est en salat. Ça nous arrive à tous aussi. Tu es en salat et tu as oublié dans quel rak'at tu es. Donc, il t'est permis aussi de réfléchir, tiens, c'est quoi la vie des savants? Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Est-ce que je dois chercher à taharra sawab? Je cherche à savoir quel est le meilleur avis. Est-ce que j'en suis à 3 ou à 2? Puis je me prosterne après le salam? Ou je ne sais plus du tout où j'en suis, par exemple? Tu vas réfléchir. Tu vas devoir réfléchir et savoir quoi faire. Donc il est permis dans ce cas-là, tout ce qui fait partie des choses qui sont pour arranger la salat, ou pour compléter la salat, ou pour préserver la validité de la salat, même si tu te poses des questions même de jurisprudence pendant la salat, c'est permis. Par exemple, quelqu'un il saigne en pleine salat et il essaie de se rappeler les avis des savants sur cette question. Qu'est-ce qu'il doit faire, par exemple? Il n'y a pas de mal. Non. De même, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné une salat quand on veut faire des choix. Salat ou l'istikhara. Et il enseignait la salat ou l'istikhara comme les compagnons disaient, comme il nous enseignait une sourate du Coran. Et que quand l'un d'entre nous, il pense à faire une affaire, les gens, ils ne connaissent l'istikhara que pour le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit quand quelqu'un, il pense au mariage. Effectivement, le mariage, c'est une grande affaire. C'est très important dans la vie. Mais il y a d'autres situations où on fait la prière de l'istikhara. Toutes les décisions importantes, toutes les décisions dans lesquelles on veut consulter Allah subhanahu wa ta'ala, un commerce, un voyage, une association avec une personne, quoi que ce soit. Non. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi, il faisait une invocation qui est rapportée par l'imam Muslim. Dans la prière de nuit, il disait Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard 'alim al-ghaybi wash-shahadati anta tahkumu bayna 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi-idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Donc c'est une invocation que la personne peut faire quand il est dans le doute, quand il veut savoir quel est le bon chemin à suivre ou la voie à suivre ou la bonne avis à suivre. Non. On voit dans cette histoire qu'à toute époque, il y a des personnes qui sont touchées par une maladie très grave qui s'appelle la jalousie. Al-hasad. Al-hasad, la jalousie, c'est le fait d'espérer que le bienfait qui touche ton frère lui soit enlevé, qu'il perde ce bienfait. C'est ça la jalousie. Peu importe que tu récupères toi derrière ce bienfait ou non, à partir du moment où tu espères qu'il le perde, c'est la mauvaise jalousie. La jalousie qui est interdite. Et il y a plusieurs textes authentiques qui viennent interdire la jalousie. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, ne vous tournez pas le dos, ne vous détestez pas, ne vous espionnez pas les uns les autres et ne soyez pas jaloux les uns des autres, mais soyez ô serviteurs d'Allah, frères. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, avec une chaîne de transmission acceptable, les gens ne cessent d'être dans le bien tant qu'ils ne se jalousent pas les uns les autres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, attention aux mauvais soupçons, car il est le discours le plus mensonger. Et ne vous jalousez pas les uns les autres, car la jalousie vient raser. Je ne dis pas qu'elle vient raser les cheveux, mais elle rase la religion de la personne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah et An-Nasa'i, qui a été authentifié par Sheikh l'Albani rahimahullah, il a dit, ne se réunissent pas dans le ventre d'un croyant la poussière sur le sentier d'Allah et la fumée de la Jahannam, de même que ne se réunissent pas dans le cœur d'un serviteur la foi et la jalousie. Ne se réunissent pas dans le cœur d'un serviteur la foi et la jalousie. Car la foi chasse la jalousie et la jalousie chasse la foi. Donc, on voit que ces gens de Bani Israël, ils ont été jaloux de Jurayj. Jaloux de quoi? Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de biens, ils n'avaient rien. Ils étaient jaloux de sa proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, jaloux de son adoration. Donc ils ont manigancé, ils ont tout fait pour le faire tomber. C'est-à-dire ça suffit pas qu'eux ils soient dans le péché, eux ils sont manquants. Non, lui aussi il faut qu'il soit manquant comme nous. Lui aussi on va le faire tomber dans le péché. Au lieu de prendre exemple sur lui. Et ça c'est une des causes de la jalousie, les savants disent. L'imam al-Mawardi, dans Adab al-Dunya wa-Din, il a dit qu'une des causes de la jalousie, c'est que cette personne, Allah Ta'ala, lui a donné des grâces que tu n'as pas eues et que tu sais que tu ne peux pas atteindre car tu n'as pas ces qualités que lui là. Tu n'arrives pas, alors tu n'as qu'une solution, le jalouser, faire en sorte que lui il perde ce bienfait là. Mais en faisant ça, al-hasoudu la yasoud abadan, al-hasoudu la yasoud, comme il a dit l'imam al-Mawardi, le jaloux il ne sera jamais maître, il ne sera jamais chef, il ne réussira jamais, jamais. On voit aussi dans ce hadith la dangerosité de la manigance des femmes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai pas laissé pour les hommes de ma communauté une tentation plus néfaste que les femmes. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, il n'y a aucun doute que le fait de donner la possibilité aux femmes de se mélanger aux hommes est la base de tout malheur et de tout mal. Et c'est la plus grande cause par laquelle les châtiments d'Allah tombent généralisés sur les peuples. On voit aussi dans ce hadith, on peut en tirer, que l'endroit d'adoration doit être simple. Comme la maison de Jurayj, c'était en terre. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était en quoi? En terre avec des feuilles de palmier. Il n'y avait même pas de lanterne dedans. Il est rapporté dans les hadiths authentiques que les femmes, elles venaient à la prière de l'Fajr. Elle dit, on venait à l'Fajr et on repartait, les gens ils nous reconnaissaient pas tellement il faisait nuit. C'est-à-dire, il y a eu l'adhan. Après l'adhan, ils ont attendu jusqu'à l'Iqama. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait une prière, comme il est venu dans un hadith authentique, il récitait entre 50 et 100 versets. Et malgré ça, à la fin, ils se reconnaissaient pas. Dans un hadith authentique, un sahabi rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait entre 50 et 100 versets, et on arrivait à reconnaître notre voisin que si on le connaissait bien après la salat. Donc ça, ça prouve quoi? Déjà qu'il finissait la salat al-fajr alors qu'il faisait encore très nuit, et qu'il n'y avait pas de lanterne, ni de lampe dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même le sol, c'était de la terre. Dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, le hadith rapporté par l'imam Muslim, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, on m'a fait montrer la nuit de l'Qadr, la nuit de la valeur, ou la nuit du destin. Et je me prosternerai à son matin dans la boue et la terre. Et Abu Sa'id, radiallahu anhu, il dit, je l'ai vu le matin du 23 de Ramadan, se prosterner dans la boue et la terre. Il y avait de la terre et de la boue sur le front et le nez du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà sur quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait dans sa mosquée. Donc, une mosquée, ça doit rester simple. Ça ne veut pas dire qu'on la laisse en terre. Mais, on ne doit pas exagérer dans son embellissement. Bien sûr, Allah Ta'ala nous a demandé de respecter ces lieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les purifier, de les nettoyer. Il a ordonné de les parfumer, de les encenser. Mais il n'a pas ordonné de les embellir et de faire des dépenses supplémentaires dans l'embellissement des mosquées. Certaines mosquées, si on enlevait les frais d'embellissement, on pourrait avec ces mêmes frais construire 3 autres mosquées. Surtout les coupoles. C'est ce qui coûte le plus cher à faire, la coupole. Alors que ça ne vient pas de l'islam, la coupole. Ça a été fait bien après. Et certains savants considèrent que ça a été copié sur les chrétiens qui mettaient des coupoles sur les tombeaux de leurs saints, pour vous dire. Et on met des millions dans une coupole. Au lieu qu'avec le prix de cette coupole, on construit 3-4 autres mosquées. Alors que dire de l'embellissement et du gaspillage à l'intérieur avec des embellissements qui coûtent des centaines de milliers ou même des millions. Donc c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que ce serait un signe de la fin des temps. Le fait d'embellir les mosquées. Le vrai embellissement de la mosquée, c'est par les assises de science. C'est ça le vrai embellissement des mosquées. L'embellissement légiféré. Les assises de science, d'enseignement, de lecture du Coran, d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr, la salat, l'i'tikaf. C'est ça, c'est fait pour ça un masjid. On voit dans ce hadith que certains hommes pieux, ils peuvent être éprouvés. Et même, c'est la sunna d'Allah que les hommes pieux soient éprouvés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens qui subissent les épreuves les plus difficiles sont les prophètes, puis les plus proches, puis les plus proches. C'est-à-dire les savants, les hommes pieux, ceux qui suivent les prophètes. C'est eux qui auront les épreuves les plus difficiles. Mais c'est eux aussi qui auront l'aide en proportion, l'aide et l'assistance d'Allah la plus grande et la récompense la plus grande. Alhamdulillah. On voit dans ce hadith que un serviteur pieux, il doit être modeste. Comme la modestie de Jureyj, rahimahullah, quand on lui a demandé de reconstruire sa tour en or et en argent, il n'a pas accepté et il a demandé qu'on lui refasse en terre comme elle était. Il n'a pas profité de la situation pour s'enrichir. Non. On voit aussi dans ce hadith que parfois on apprend que avec les épreuves et les malheurs. Comme dans une version du hadith, Jureyj, rahimahullah, il a rigolé. Il a su que c'était l'effet de l'invocation de sa mère qui l'a touché. Donc il a appris, il a rigolé. Il a su que c'est à cause de son erreur. Il a fait une erreur de choix. Sa mère a fait du'a contre lui. Donc parfois on apprend que avec les malheurs. Et alhamdulillah, sa mère, elle a pas dit ya Allah, fais qu'il tombe dans la fornication. Il a dit ya Allah, fait qu'il ne meure pas avant de voir les femmes perverses. Donc Allah l'a préservé de ce péché par sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que l'on peut tirer de ce hadith. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais aujourd'hui j'ai voulu m'arrêter avec vous sur ce hadith, le lire ensemble, l'étudier et en tirer quelques règles. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de mettre en pratique ces règles. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yazidana ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan tayyiban halalan wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.